Les idées se baladent par dizaines dans ma tête. Malheureusement, elles ne font pas partie du même contexte. Le sujet n'est pas défini, mais je peux pas me retenir. J'ai envie de raconter des choses, gratter des pages entières, partager avec vous l'une ou l'autre phrase. Je nourris l'espoir que ça vous plaise, que vous preniez le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Rien que quelques minutes pour le meilleur et pour le pire. J'ai l'impression que même mes neurones s'entremêlent. Malgré moi, mes idées ont une certaine récurrence. Remarquez que chez moi, la mélancolie est plutôt tendance. Je tourne en rond, utilise beaucoup les mêmes sujets. Ils me tiennent trop à cœur. Je vous assure que c'est vrai, vous savez de quoi je parle. Mais impossible de m'en défaire, même si le contraire, j'aimerais bien le faire. Seulement j'ai un petit peu de mal à tout structurer, je ne m'arrêterai jamais. La musique est tout pour moi, elle m'aide à me confesser, à faire part de mes idées. Chercher des rimes est l'un de mes passe-temps favoris. J'aime jouer avec les mots, les mettre en harmonie. J'aimerais vous parler de ma vie entière, et pourquoi pas de la vie, tant qu'à faire.